sang, c'est fait de masse. Il cave en stress, il court la maille, presse sa cam, l'emballe la lit. En stand-by, c'était des luttes qui resserrent la ceinture en fort. Mon croix, un spécimen du sud qui fait de sorte que son rap sonore. L'équipe Z, tout pour la zig, donne une clique d'un boucher. Qui s'arrache le pitre à la foutre que le soleil soit couché. Ça a des louchés, mon équipe stream rap me persiste. Rien comprendre la rime quand tu fais le beau crâne en VR. Mon équipe, une putain ordure rouge dans un futé. Responsable du désordre dans l'écran comité. Mon équipe kick le mic, te contamine comme la grippe. Comme un parasite, ça grippe. Mais mon équipe, c'est le coup de cri. Mon équipe, c'est quoi? Quoi, poteau, j'suis pas trop. Une fois que tu t'éloignes de ces toits, dis-toi que les gens croient que tu changes de bateau. Ils croient que tu te larges comme patron et que tu partiens en emportant le gâteau. Alors que tu portes toujours le maillot de l'équipe, faut toi, appelle-moi si tu veux hisser le drapeau. Mon équipe, s'en va les gangs, mec, pas de chat, j'suis qu'à attaque, j'en charge. Le sein, stand apache, marche pas sur nos plaques. Bandit, tu veux un scoop, t'as équipe pas de chat. Ta écoute, capte nous, aussi long mic on traque. Mon équipe c'est des brouillards, des débrouilleurs, des bouilleurs d'instru. Viens voir rouillard, c'est trop bouillant, ça tue vite instru. Mon équipe c'est quoi? C'est des types précis, pressés de percer la porte d'un rap autant dans un crise. Mon équipe de son de crime arrive de mine comme l'amiral. Prends ça comme un coup de griffe d'un grand groupe illégal. Loin derrière les rivales, tous tapinent à Pigalle. De notre son ils se régalent et je suis sûr qu'ils avalent. Mon équipe est constituée, ring de gens proches qui se soutiennent. Pas de faux type prostituée, vu que pour la thune ils te kennent. Mon équipe c'est laquelle? Celle qui dort ou celle qui met des séquelles? Celle qui sort travesti ou celle qui rappe encore quand les lumières s'éteignent? Équipe, plaidez la cause de mon équipe. Équipe, d'une instru, d'une piste, on s'équipe. Équipe, les notes que l'on recrache. Lâche-les dans les machettes, c'est mon bloc qui dans ta trachée. Équipe, je suis tard, les kamikazes, c'est 4 à la taille, taille. Au premier qui bouge louche, je lui perce l'os, la soulancée. Tempérament de bagnard, je pète les bits en perso, ma guerre, c'est texte, mot pour hip hop, te branque. Qui pète ma voix grippée, elle est pas louée chez l'ensemble, mais c'est la mienne, hein. Si je veux une bête de prod, ça te la torse. Équipe, t'as pas idée, pour la vulgarité. Bâtard, quand je suis une merde, je l'appelle variété. Ce petit truc en plus, ce truc qui fait le track, il me donne envie de traquer les traîtres et pouvoir trouver mon trône. Équipe étonne de métaphores, faisant l'effort pour que ça tombe. Et puis je trame sous mon dent toutes mes histoires de mandale. Équipé de deux jambes, deux bras et d'un cerveau dans une tête. Je peux pas faire comme tous les gens bien gras qui se contentent de faire la fête. Je préfère débarquer équipé d'idées bien fortes et brutales. Man, je suis équipé d'une force brute quand je vais pour kicker l'instrumental. Équipé d'une arme, de poudre, de balle, d'une paire de Nike qui date. Équipé d'un son lourd, puis d'un mic, je menace défaut. D'un flow hard, je vais faire défense. Faut que je mette en cloque, mélo ici, mélo. Vaut bien Clara Morgan, c'est équipé, visez la fortune et Afghan. Ensanglanté, visez la, je frappe au mic sanglant. Équipé pour tout péter, pour même pas sans balle scandale. Équipé pour mettre Camaro sous ma sandale. Johnny Walker, de bonne peu et d'une blonde. Vas-y, mets-moi en air, je te ferai péter les secondes. Équipé d'un flair de loup, venu là pour chalouper. Comme la mâchoire du loup, joue la pression sans louper. Équipé d'un savoir étrange, ne range pas ma verve, elle dérange. Je pose mon rap une fois pour toutes, alors dis-leur de cesser les commérages. Je suis équipé de face, coupe, couteau blast qui déménage. J'en ai pour tous les âges, tous les couilles, à tous les coups, y'a des messages. Équipe, plaidez la cause de mon équipe. Équipe, d'une instru, d'une piste, on s'équipe. Équipe, les notes que l'on recrache. Lâche-les dans les machettes, c'est mon bloc qui est dans ta trachée. Pour équiper l'ardoise est pleine, qui tombe là, tu n'es vite. J'ai besoin de faire vivre ma zik et ma clique. La dalle, faut qu'il racle maintenant. Note du mental, choix, lâche le cash, t'arrache, si tu craches, tu cavales. Faut qu'il paie mon son, car je crois qu'ils n'ont plus d'idée. Les mêmes chansons me poussent à vomir dans le bidet. Comme ça peine, hein. Je veux pas finir en peignoir. Pauvre homme sans prénom qui flotte du sang dans la baignoire. En fait, faut que ça paie, que ça pète comme dans casino. Le taf me fait défaut, je sais c'est chaud, je suis pas l'usino. Faut que ça paie, je sens le filon. Crois pas que nous défilerons sous ce putain d'air de violon. La maille, c'est ce que nous voulons. Qu'il paie, qu'il rembourse tout ce qu'on a perdu dans la course. Le temps, on était tous dans la cour à s'en battre les couilles de la bourse. Ils pourront jamais rendre notre insouciance alors faut qu'ils lâchent les pesos. Car son altal depuis l'enfance, ils nous ont toujours donné les mêmes. Mon équipé, la paix s'achète depuis que la guerre s'achève. Je me dépêche, je m'achève, le moral en baisse, c'est la zermie. Les poches vides dans les tranchées du rap en France. Les MC sont fauchés, on dit des banques, bring, tout très. Faut que ça paye maintenant, honnêtement, allez en vrai. Faut que ça paye sans peser tout bêtement. J'suis pas une caille, non. J'me le maillot, non, me sens braillon. Allez prier, voyons, pour qu'ils entendent tout ce que nous nous braillons. Tu paies pour ton insolence, petit chef, crois qu'il assure. Tu sais qu'on travaille à l'usure, voilà pourquoi on perdure. Il faut que tu paies mon rêve, mon rêve. Tu vas rester sur la rive. Et je veux partout dans l'hexagone, on sache mon équipe arrive. MP pour mes 16 et que l'assassin signe d'échec. Je veux juste vivre de ma musique, sortir la spirale de l'échec. Je veux quitter taf d'usine avant qu'il m'envoie chez les tchèques. Avant que la crosse me colle au plancher, m'empêche de grimper à l'échec. Équipe, plaider la crosse de mon équipe. Keep. D'une instru, d'une piste, on s'équipe. Keep. Les notes que l'on recrache. Lâche-les dans les machettes. C'est mon bloc qui est dans ta trache. Équipe, plaider la crosse de mon équipe. Keep. D'une piste, on s'équipe, équipé. Les notes que l'on recrache. Lâche-les, sans les mâcher. C'est mon bloc qui est dans ta trache. Équipe, plaider la cause de mon équipe. Équipe, d'une instru, d'une piste, on s'équipe, équipé. Les notes que l'on recrache. Lâche-les, sans les mâcher. C'est mon bloc qui est dans ta trache. Équipe, plaider la cause de mon équipe. Équipe, d'une instru, d'une piste, on s'équipe, équipé. Les notes que l'on recrache. Lâche-les, sans les mâcher. C'est mon bloc qui est dans ta trache. Yeah.